Bonjour tout le monde, et voilà notre dictée pour le passé composé. C'est un petit paragraphe. Je vais dicter très lentement. On commence. Comment s'est passée ta journée hier? Comment s'est passée ta journée hier? Drôle de journée hier. Point. Drôle de journée hier. Point. Tout a mal commencé. Tout a mal commencé. Point. Je me suis levée en retard. Je me suis levée en retard. Point. J'ai voulu préparer un café. J'ai voulu préparer un café. Plus de café. Plus de café. Point. Je me suis dépêchée pour arriver à l'université. Je me suis dépêchée pour arriver à l'université. Et je n'ai pas trouvé de parking. Et je n'ai pas trouvé de parking. Point. J'ai tourné autour du campus pendant 1 heure. J'ai tourné autour du campus pendant 1 heure. Point. Je me suis mise en colère et je me suis promis de partir plus tôt. Je me suis mise en colère et je me suis promis de partir plus tôt. Point. Après une journée complète, virgule, je suis rentrée à la maison. Point. Après une journée complète, je suis rentrée à la maison. Point. J'ai trouvé mon chien au milieu du salon. J'ai trouvé mon chien au milieu du salon. En train de manger le sofa. En train de manger le sofa. Décidément, ce n'était pas une bonne journée. Décidément, ce n'était pas une bonne journée. J'espère que les choses vont mieux aller demain. J'espère que les choses vont mieux aller demain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre dictée. À demain!